Camille avait encore sous les ongles de petits fragments de paillon. Elle ne douta plus. Elle attendit pourtant. Elle voulait voir les mains, sûre qu'elle était de reconnaître le voleur, à la longueur démesurée et à la forme particulière de son pouce. En se demandant encore une fois comment ce coquin s'y était pris, pour être si vite prêt, elle se souvint qu'au moment où elle le poursuivait, il portait un pardessus en caoutchouc. Il n'avait eu qu'à l'ôter pour entrer en scène dans le costume de son rôle. Il ne restait plus à Camille qu'à crier dès qu'elle cesserait de tourner « C'est lui qui a volé mon père !» Elle était résolue à affronter le scandale et le danger du tumulte qui ne manquerait pas de provoquer cette interpellation inattendue. Zigzag s'arrêta enfin et vint se planter juste en face d'elle, tout près des quinquets qui tenaient lieu de rampe à ce théâtre de la foire. Camille vit alors que Zigzag était masqué comme l'arlequin de l'ancienne comédie italienne. Un loup de soie noire collé sur le haut de son visage ne laissait à découvert que sa bouche souriante, ses dents blanches, son menton rasé de frais, son cou bien attaché, et un bout de maillot rose, tout parsemé de clinquants argentés. Les yeux brillaient à travers les trous du masque, et Camille crut remarquer qu'il se fixait sur elle. Mais ce n'était pas la figure du clown qui l'intéressait. Elle cherchait ses mains, et elle s'aperçut avec stupéfaction que l'illustre sauteur était emprisonné depuis les pieds jusqu'aux épaules dans un sac de toile pailleté comme le maillot. Il y avait fourré ses bras, qui se trouvaient collés à son corps. Invisibles ses mains, invisibles aussi ses chaussures, qui devaient porter les marques laissées par une course sur le macadam boueux du boulevard Voltaire. Avait-il imaginé de s'envelopper ainsi pour dérouter la jeune fille qui venait de lui donner la chasse? Elle reconnut bientôt que le désir d'échapper à une reconnaissance n'y était pour rien. Cet accoutrement était indispensable à Zigzag pour exécuter son fameux tour qui consistait à bondir avec un élan prodigieux, à tomber perpendiculaire sur le sommet du crâne, à se remettre debout par un saut de carpe et à recommencer ainsi une douzaine de fois de suite. Le sac l'empêchait de se servir de ses mains, et c'était en cela que consistait la difficulté de ce périlleux exercice, inventé, dit-on, par les Aïsawa, ces arabes enragés qui dévorent des scorpions, du ver et des feuilles de cactus épineux. À sauter ainsi, un honnête homme se rompra le cou. Mais Zigzag s'en tirait sans que sa colonne vertébrale en souffrît. Il saluait les spectateurs qui l'applaudissaient avec frénésie, et il paraissait tout prêt à recommencer. Camille hésita un instant. Ce clown extraordinaire devait avoir plus d'un tour dans son répertoire, et avant la fin de la représentation, il allait sans doute reparaître sous un autre costume qui permettrait de voir son visage et ses doigts. Mais elle n'avait pas de temps à perdre. Monistrol était peut-être blessé, et certainement très inquiet de l'absence prolongée de sa fille. Il tardait à Camille de le rejoindre, et sans plus réfléchir, elle se leva toute droite et elle cria, en étendant le bras vers le sauteur, qui restait immobile pour reprendre haleine, « Arrêtez-le, c'est un voleur !» Il n'en fallut pas davantage pour déchaîner une tempête. Le public en masse prit parti pour son artiste préféré, et des vociférations partirent de tous les coins de la salle. « Silence, à la porte, la traînée !» Faut qu'elle fasse des excuses. Elle est saoule. Non, elle est folle. À Charenton, alors. » Les plus excités étaient debout et montraient le poing à Camille, qui les regardait du haut de son mépris. Elle était très pâle, mais elle n'avait pas peur. Il reprit d'une voix claire. « Je vous dis que cet homme vient de voler 20 000 francs à mon père. Qu'on le fouille et on les trouvera sur lui. » Cette déclaration lui valut une nouvelle averse d'injures. « Blagueuse, va. Il n'a pas le sou, ton père. Ni toi non plus. Zigzag est plus riche que toi. » On demande les cerveaux. Où ce qu'est le panier à salade pour amener madame à Saint-Lazare? Zigzag assistait impassible à cette émeute ignoble. Il ne pouvait pas se croiser les bras, puisque ses bras n'étaient pas libres. Mais il avait pris une attitude dédaigneuse. Il cambrait son torse et il haussait les épaules en ricanant. Le vacarme s'éleva bientôt à un tel diapason que la fée, en jupe courte, qui était restée sur l'estrade, se montra au haut de l'escalier des premières, adressa au clown un signe de tête interrogateur, et disparut aussitôt. Mais ce fut pour reparaître un instant après avec un sergent de ville, et lui désigner la femme qui troublait le spectacle. L'affaire devenait sérieuse, et la pauvre Camille comprit, un peu trop tard, qu'elle venait de se mettre dans un très mauvais cas. Elle était sortie de chez son père dans une tenue qui ne provenait pas en sa faveur, et elle se trouvait en passe d'être jetée dehors, peut-être même menée au poste, comme une simple drôlesse. À quelle protection recourir en cette extrémité? Ses yeux rencontrèrent ceux du jeune homme qui avait payé pour elle à l'entrée de la baraque. Il la regardait avec plus de curiosité que de bienveillance. Mais il avait une figure sympathique, et elle crut pouvoir s'adresser à lui. « Monsieur, lui dit-elle avec émotion, Vous me jugez sans doute très mal après la scène que je viens de faire, mais quand vous saurez qui je suis, vous ne refuserez pas de prendre ma défense. Je vous jure que j'ai dit la vérité en accusant ce clown. » La prière de Camille fut interrompue par le sergent de ville, qui mit la main sur elle. « Ne me touchez pas, » dit la jeune fille, en le repoussant. « Enlevez-la, » hurlèrent les spectateurs, qui trépignaient de joie. Zigzag, du haut de ses planches, suivait des yeux le conflit. Mais il n'en attendit pas la fin. Il fit la révérence à la mode des clowns, et en trois bonds sur la tête, il rentra dans la coulisse. « Je suis prête à vous suivre, » reprit Camille. Frappé sans doute de la fermeté de son attitude, le monsieur dont elle avait réclamé l'appui se décida à intervenir. « Je sors avec vous, madame, » lui dit-il à demi-voix. L'autre, le camarade, qui l'accompagnait dans ce voyage au pays des saltimbanques, ricanait sous sa moustache et trouvait son avis prodigieusement ridicule. Mais il ne l'abandonna point, et ils escortèrent tous les deux Camille, emmenés par le sergent de ville. Le cortège, en traversant l'estrade, passa sous le feu des mauvais propos de la fée et de la vieille assise au contrôle. Une panée comme ça qui entre sans payer et qui se permet d'insulter les artistes, grommelait la caissière. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Faut-il que les hommes soient daims ? Criait la femme à la baguette. Le dogue aboyait après Camille et l'enfant habillé en paillasse la regardait de tous ses yeux. Elle descendit bravement sur la place et au bas de l'escalier, elle dit à son protecteur « Monsieur, je demeure tout près d'ici, chez mon père, monsieur Monistrol, et je vous demande en grâce de me reconduire à la maison. »« Monistrol ? » s'écria le jeune homme. « Jacques Monistrol, le mécanicien ?»« Oui, monsieur, » dit Camille, « je suis la fille de monsieur Monistrol, ingénieur civil. Est-ce que vous le connaissez ?»« Pas encore beaucoup, » répondit le jeune homme, « mais j'aurai maintenant l'occasion de le voir souvent. Depuis trois jours, il est l'associé de mon père. »« Quoi, vous seriez ?»« Julien Gémozac, mademoiselle. » Et je bénis le hasard qui me met à même de vous être utile. » Camille, étonnée et charmée, regarda plus attentivement son protecteur improvisé. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle s'aperçut que M. Julien était un charmant cavalier. Ce fils d'un opulent industriel avait l'air d'un jeune pair d'Angleterre. Des traits réguliers, des cheveux blonds bouclant naturellement, de longues moustaches soyeuses, des moustaches à s'accrocher les cœurs. Un teint blanc, de grands yeux bleus et une bouche un peu dédaigneuse. Cette figure aristocratique respirait la franchise et la bonté. De son côté, Julien admirait la beauté plus sévère de Camille et se reprochait d'avoir pris un instant, pour une aventurière, la fille d'un inventeur en passe de s'illustrer et de gagner une grosse fortune. À vrai dire, l'erreur était excusable, étant donné la conduite de Mademoiselle Monistrol dans la baraque et la toilette bizarre qu'elle portait. L'ami qui assistait à cette explication se taisait, mais son sourire railleur disait assez qu'il ne croyait guère à l'innocence d'une jeune personne qui s'échappait du logis paternel pour courir en déshabillé après un saltimbanque. Le sergent de ville n'avait pas les mêmes raisons pour rester neutre, et il entra en scène assez brutalement. « C'est pas tout ça, » dit-il, « vous avez troublé le spectacle. Il faut me suivre au poste. Vous vous expliquerez avec le brigadier. »« Au poste, » murmura Camille en se serrant contre son défenseur. Le moment était venu pour Julien d'intervenir carrément. Il était persuadé que Camille ne mentait pas, et il ne pouvait pas abandonner la fille du nouvel associé de son père. Peut-être aurait-il hésité si elle eût été laide, mais pour une femme, la beauté est le meilleur des passeports, et il se sentait tout disposé à pousser l'aventure jusqu'au bout. « Je réponds de mademoiselle, » dit-il. « Très bien, mais je ne vous connais pas, » grommela le sergent de ville. « Vous connaissez peut-être le nom de mon père, Pierre Gémozac. » « Celui qui a la grande usine du quai de Gemap, un peu que je le connais, mon frère y travaille. »« Eh bien, moi, j'y demeure. Voici ma carte. Et si vous voulez venir m'y demander demain, vous m'y trouverez de midi à 2 heures. »« Avec mademoiselle, » dit le sergent de ville, qui avait à l'occasion le mot pour rire. « J'habite chez mon père, » répliqua vertement Camille. « S'il faisait jour, vous verriez d'ici la maison. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez m'accompagner jusqu'à la porte. Mais vous feriez mieux d'arrêter l'homme qui vient de nous voler 20 000 francs. » « Il est là, dans cette baraque. »« Bon, nous verrons ça demain. La troupe ne déménagera pas avant la fin de la foire. Je vais faire mon rapport au brigadier et lui remettre la carte de monsieur. »« Parfaitement, mon brave. Vous lui direz que je me tiens à sa disposition. Rien ne l'empêchera d'ailleurs de se renseigner aussi chez monsieur Monistrol. »« Au numéro 292 du boulevard Voltaire, » ajouta Camille, qui avait retrouvé tout son sang-froid. « Mais ne me retenez pas. » Mon père a été maltraité par ce misérable, et en supposant qu'il ne soit pas blessé, il doit être inquiet de moi. « Après tout, » murmura le sergent de ville, « vous n'avez pas fait grand mal, puisqu'il n'y a pas eu de batterie. Rentrez chez vous, mademoiselle, et ne recommencez plus. Merci, mon brave, dit Gémonzac, et comptez sur moi. Si votre frère est bon ouvrier, on le fera passer contre un maître. Prenez mon bras, mademoiselle. Camille ne se fit pas prier. Elle voyait maintenant le danger qu'elle avait couru. Elle sentait qu'elle avait eu tort de se lancer dans cette sotte aventure, et elle ne songeait plus qu'à rassurer son père. L'explication n'avait eu pour témoin que l'ami de Gémozac et quelques gamins, car elle avait pris fin à 30 pas de l'estrade. Et à 7 heures avancée, le vide s'était fait sur la place du trône. La fée était entrée dans la baraque pour annoncer à Zigzag qu'on emmenait au poste la fille qui s'était permis de l'interpeller pendant ses exercices. Le sergent de ville s'en allait, les mains derrière le dos. Camille entraîna son sauveur et les gamins se dispersèrent. Mais l'ami suivit et dit tout bas à Julien « C'est très joli de faire le Don Quichotte, mais n'oublie pas qu'on nous attend à minuit au café anglais. » Pour toute réponse, Julien s'arrêta court, lui fit face et le présenta en ces termes « Mademoiselle, voici M. Alfred de Fresnay, qui me prie de le nommer à vous et qui se met comme moi tout à vos ordres. » Camille s'inclina pour la forme et Alfred salua, en dissimulant assez mal une grimace de mécontentement. Ce gentilhomme n'avait aucun goût pour les entreprises romanesques et aux demoiselles persécutées. Il préférait de beaucoup les horizontales de toute marque. « Marchons, je vous en supplie, » murmura la jeune fille. Julien prit le pas accéléré et il eut le bon goût de ne pas engager une conversation qui n'aurait certes pas intéressé mademoiselle Monistrol dans un pareil moment. Il est des cas où la politesse consiste à se taire. Alfred marchait la tête basse, en pensant aux drôlesses élégantes qu'il avait invitées à faire la fête au Grand 16, avec d'autres garnements de son espèce. 2 minutes après, ils arrivèrent tous les trois devant la palissade que le voleur avait franchie d'un seul bond. Pour le poursuivre, Camille avait dû ouvrir la barrière, et elle n'avait pas pris le temps de la refermer. Elle ne pouvait donc pas s'étonner de la trouver comme elle l'avait laissée, mais elle espérait vaguement y rencontrer son père, qui n'avait pas dû attendre patiemment au coin du feu. Elle revint de l'expédition hasardeuse où elle s'était embarquée. Et non seulement Monistrol n'y était pas, mais aucune lumière ne brillait aux fenêtres de la maisonnette. « Il sera sorti pour tâcher de me rattraper. Il aura pris une fausse direction, et en ce moment, il me cherche. Dieu sait de quel côté, » se dit la jeune fille pour se rassurer. « Est-ce ici que vous demeurez, mademoiselle ?» lui demanda Julien. « Oui, venez, » répondit-elle en prenant les devants. Elle courut tout droit à la porte de la maison, qui était restée ouverte comme la barrière, et elle pénétra dans le vestibule. L'escalier était au fond, mais elle n'osa pas monter seule. « Père !» cria-t-elle d'une voix altérée. « Descends vite ! C'est moi, c'est Camille !» Personne ne répondit à son appel. Gémozac et son camarade suivaient de près la jeune fille. Ils entrèrent presque en même temps qu'elle dans ce corridor où on y voyait Goutte. « J'ai peur !» murmura Camille en saisissant le bras de Julien. « Et moi, je ne suis pas rassuré du tout, » dit Alfred entre ses dents. « Cette maison m'a tout l'air d'un coupe-gorge. » Julien, en sa qualité de fumeur, était toujours pourvu d'allumettes. Il tira sa boîte et, quand il eut du feu, il avisa dans un coin, sur une tablette, un flambeau garni d'une bougie qu'il s'empressa d'allumer. « Je vais passer le premier, mademoiselle, » dit-il, en s'armant du luminaire. « Non, je veux vous montrer le chemin, » répondit Camille. « Mais, mademoiselle, le voleur a peut-être un complice, et s'il y a du danger, c'est à moi de marcher devant. » La jeune fille était déjà dans l'escalier. Les deux jeunes gens montèrent après elle, et ils débouchèrent tous les trois dans la salle à manger, où le brigand au pouce crochu s'était embusqué avant d'assaillir Monistrol. Les rideaux étaient retombés, et leur cachaient le petit salon. « Père, es-tu là ?» demanda Camille. Rien ne bougea. Gémozac l'écarta doucement, souleva la portière et aperçut un homme étendu sur le plancher, entre la table et la cheminée. Camille aussi le vit, cet homme, et elle le reconnut. « Ah ! S'écria-t-elle, il l'a tué !» Et avant que Julien pût l'arrêter, elle se précipita sur le corps de son père. Elle n'avait que trop bien deviné. Le malheureux inventeur ne donnait plus signe de vie. En le touchant, elle sentit qu'il était déjà froid. Elle le prit dans ses bras et elle essaya de le relever. Mais la force lui manqua. Elle jeta un faible cri et elle tomba, évanouie, à côté du cadavre. « Un assassinat ! C'est complet !» grommela Fresnay, en reculant de 3 pas. « Dans quel guêpier nous as-tu fourré ?»« Tais-toi, animal, et aide-moi d'abord à enlever cette pauvre enfant !» dit brusquement Gémozac. « Et où diable veux-tu la porter ?»« Sur son lit, parbleu. Sa chambre doit être à l'étage au-dessus. »« Et après ?»« Après, tu vas courir au poste, où ce sergent de ville voulait la conduire. Tu diras qu'un crime vient d'être commis et tu amèneras ici les agents, le commissaire. Jolie commission que tu me donnes là. Ah, si jamais tu me repinces à courir à la foire au pain d'épices. Et moi, si tu m'abandonnes, je te jure que je cesserai toute espèce de relation avec toi. C'est indigne ce que tu dis. Tu n'as donc pas de cœur? Allons, prends ce flambeau et éclaire-moi. Je l'apporterai bien à moi tout seul. » Julien s'était agenouillé près de la fille de Monistrol et cherchait à la ranimer en lui frappant dans les mains, mais elle ne revenait pas à elle. Heureusement, il était vigoureux. Il la prit par la taille, et avec une souplesse que lui aurait enviée plus d'un clown, il réussit à se remettre sur pied sans laisser tomber le fardeau dont il s'était chargé. Fresnay se résigna, en rechignant, à faire ce que son ami lui demandait. Il le précéda, la lumière à la main, et il sut trouver l'escalier du premier étage. La chambre de Camille était à gauche sur le palier, et ils n'eurent pas de peine à la reconnaître au lit à rideaux blancs, le lit de toutes les jeunes filles. Julien l'y coucha avec précaution, prit une carafe sur la toilette et se mit à lui jeter des gouttes d'eau au visage. Elle ouvrit les yeux et les referma presque aussitôt en murmurant des mots inintelligibles. Ses mains s'agitèrent comme pour repousser une vision hideuse, puis elle retomba anéantie. « Elle a un transport au cerveau, » murmura Gémozac, qui se servait sans la comprendre d'une expression très usitée. Il n'était pas docteur, et il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire en pareil cas. « Tu ramèneras aussi un médecin, » dit-il à son ami Fresnay, qui répliqua avec humeur. « Pourquoi pas une garde malade pendant que tu y es ? Ma parole d'honneur, je crois que tu perds l'esprit. Quelle mouche te pique pour que tu veuilles à toute force te mêler d'une affaire qui ne nous intéresse ni l'un ni l'autre ? Parle pour toi. » « Tu n'as pas entendu que le père de cette jeune fille était depuis quelques jours l'associé du mien, et qu'on l'a tué pour lui voler une somme qu'il venait de toucher ce matin à la caisse de la maison Gémozac ? Qu'en sais-tu ? Ta protégée est à moitié folle. Et je ne comprends rien à sa chasse au saltimbanque. Assez, je ne veux pas discuter près de son lit, suis-moi. » Julien prit le bougeoir, descendit au salon et dit au sceptique Alfred en éclairant le cadavre. « Tu ne n'iras pas du moins qu'on l'a étranglé. Regarde son cou. » Les doigts de l'assassin y ont laissé une empreinte assez profonde. Alfred se baissa, examina le cadavre avec plus de curiosité que d'émotion, se redressa et dit « Les doigts, dis donc les griffes, ce n'est pas une main d'homme qui a fait ces marques noires sur les deux côtés du cou. C'est une main de gorille, une main qui a 30 cm d'envergure. Et quel pouce ! Il a écorché la peau et il est entré dans la chair. Crois si tu veux que c'est de la griffe du diable. » « Mais va chercher la police, » répliqua Gémozac, en poussant par les épaules son récalcitrant ami, qui céda, non sans demander. « Pourquoi n'y vas-tu pas toi-même ? » « Parce que je ne veux pas laisser seule mademoiselle Monistrol dans l'état où elle est. Lorsqu'il y aura du monde ici, je partirai très volontiers, quitte à revenir demain avec ma mère, qui certes n'abandonnera pas l'orpheline. Mais en attendant que les agents arrivent, j'ai le devoir de veiller sur elle. » Un cri partit du premier étage, un cri déchirant. « Tu entends ?» s'écria Julien. « Elle vient d'être réveillée par une attaque de nerfs. Je remonte là-haut. « Pars, te dis-je, et reviens vite. Je ne tiens pas à passer la nuit entre cette pauvre fille et un homme assassiné. » Fresnay descendit pendant que Gémozac courait au secours de Camille. Ce n'était point un méchant garçon que ce Fresnay, mais il avait le défaut très parisien de ne rien prendre au sérieux. Monistrol et sa fille lui étaient indifférents. On l'attendait pour souper, et il répugnait à se mêler d'une affaire criminelle. Cependant, il avait promis à Julien d'avertir la police, et ne sachant où trouver un poste, il se dirigea vers la place du trône. Avant d'y arriver, il rencontra deux gardiens de la paix. Celui qui avait failli arrêter Camille n'en était pas. Il leur dit qu'un meurtre venait d'être commis, tout près de là, dans une maison qu'il leur décrivit, et il leur demanda s'ils voulaient se charger d'aller chercher le commissaire, à quoi ils répondirent oui. Il aurait dû leur fournir des renseignements plus clairs, et ils allaient s'informer. Par malheur, un fiacre vint à passer et le cocher s'arrêta, flairant une pratique dans la personne de ce bourgeois bien mis. La tentation fut trop forte. Fresnay dit au sergent de ville. « Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est à droite en descendant. Il y a une clôture en planche. » Et il sauta dans la voiture en criant au cocher « Boulevard des Italiens, devant le café anglais. » « Farceur !» va grommela le plus vieux des agents. « Ce n'est pas la peine de nous déranger, » reprit l'autre. « C'est un poisson d'avril. » Et ils continuèrent tranquillement leur ronde de nuit.